C'est toi qui revenais avec des bombes en avion de ton vol de France, là? Je veux pas dire que À chaque fois que je prends l'avion, moi. Bon, alors. Il y a toujours, toujours, toujours des poches d'air, de la marde. Il y en a presque toujours, des poches d'air. Oui, mais violentes comme ça, hey, moi, là, c'était des je sais pas combien de pieds, ça descendait d'un coup, là, mais c'était vraiment violent, là. Mais, c'était pas prout, prout, prout, c'était pas clau, clau, clau, clau. OK. Mien, mien, mien, mien. Tu sais, l'avion qui tangue, de droite à gauche. L'avion qui tangue. Ah, oui, oui, oui. Ah, les ailes baissent, ça, comme Tintin, avec les éclairs. Mais dans ma tête, ça amplifiait. Ah, oui, oui, oui. C'était peut-être pas à ce point-là, là, mais dans ma tête, c'était comme ça. Ah, oui. Puis moi, j'avais mal au cœur. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Une autre belle fin d'après-midi dans ce quartier paisible de Montréal. Par la fenêtre entrouverte, un passant surprend la conversation de deux amis de longue date. À travers le cache-soleil, il entrevoit Marc et Anne. Il fait chaud. Ils sont pieds nus, bien calés dans un gros sofa de cuir capitonné. Ils ont à la main un verre de vin blanc frais. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, je faisais chambre en ville dans ce temps-là, puis il me semble que c'était Louise Deschâtelet qui m'avait raconté ça. Elle était sur un vol... c'est épouvantable. OK. Montréal-Japon. Oh my Montréal, God! En tout cas, je ne sais pas quel but du Japon, mais en tout cas, ça en allait au Japon. Mois, s'en allait là. Et ça, là, il paraît qu'il y a un couloir, à un moment donné, de turbulences. Mm-hmm. C'est inévitable. Mm-hmm. Et les turbulences sont très, très... très violente, très violente. Alors, bon, Louise est dans l'avion et tout va bien. Et là, tout à coup, il commence à avoir des bonnes turbulences. Et là, tout de suite, le personnel de bord dit « Assoyez-vous, attachez-vous, on va en avoir des pas pires. » Les gens n'ont pas le temps de s'attacher, de rien. Ça part. Et là, plusieurs d'eux se frappent même la tête, ben plafond, tellement ça a baissé d'un coup, mais très, très violemment. Là, je ne sais pas, c'est peut-être 50 pieds d'un coup. C'est ça, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, mais c'est énorme. Là. Oh, ouais. Et pour que les gens se fassent mal, il y avait une personne à la toilette. OK. Qui faisait Probablement que c'était juste un petit pipi. Okay. Anodin. Okay. Peut-être qu'elle était même en train de s'essuyer. On ne sait pas, on n'était pas là. Non, évidemment. Il y a eu cette baisse d'altitude d'un coup. Alors, évidemment, quand ça baisse, ce qui est à l'intérieur remonte. Se soulève. Oui. Alors, elle a été arrosée par en dessous. Oh. Ça a frappé le plafond, puis c'est retombé dessus. Fait que c'est comme si on l'avait trempé dans la marde. C'est comme si elle avait trempé dans la toilette. C'est comme... c'est un trempage. C'est monté. Elle n'a pas eu le temps de monter ses culottes puis de mettre son chapeau, puis ça y est retombé sur la tête. Parce puis allait, là, tout le monde criait, mais madame, chapeau, allez vous asseoir, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Fait qu'elle est sortie. OK. Ben, elle est sortie une avec son nauséabonde. Ben oui, j'imagine. Je pense pas qu'elle avait de chapeau. Non, elle était sortie d'une autre couleur. C'est sûr qu'elle avait pas le même teint. Puis les gens pouvaient pas fuir non plus parce qu'elle devait pas sentir très très bon. Ben non, mais c'est le passager, le siège du passager. Mais t'aimerais-tu ça, toi, avoir cette passagère à côté de toi dans un avion où tu peux pas sortir, tu peux pas bouger? Non, c'est sûr que là tu vis avec. Mais tu peux mettre la petite, tu peux ouvrir la petite lampe, petit éclairage, la petite affaire qui shoot de l'air, là, le petit aéro. Ah oui, mais ça. Tu peux le mettre plus fort sur elle. C'est un jet qui sert à rien. Ça fait juste du bruit, cette affaire-là. Ouais, ben ça peut être assez, ça peut être assez efficace. Moi, je connais des gens qui puent, sur les longs, qui font des choses, puis qui se mettent. Moi, j'ai une autre anecdote d'avion, mais je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. C'est l'extraordinaire et sémillant Monsieur Edgar Fruitier qui l'a conté à mon père. Mais là, je sais pas. C'est un des premiers vols, Montréal-Paris. Et là, il est dans le vol et il y a effectivement des grosses turbulences. Et là, il dit à mon père, il dit, on était tous assis, puis là, il y avait quelqu'un aussi qui était aux toilettes, une dame. Oh, c'est toujours aux toilettes que ça se passe. C'est toujours aux toilettes, ça se passe évidemment. Peut-être que c'est une légende urbaine, mon histoire. Ben, je sais pas. Ben moi non plus. Il me semble qu'Edgar, il est pas le genre. Et là, il y a une grosse poche d'air. Et là, la femme qui était sur la cuvette a été aspirée dans la cuvette, le bassin. Puis les genoux, ils sont montés jusqu'au menton. C'est ce qu'il me raconte. Bonhomme. Alors là, elle a été coincée. C'est les premières cuvettes, là. Tu sais, je veux dire, il ne savait pas encore. Elle avait les genoux dans le front. Ben non, mais j'exagère, mais une partie sa cuvette, de la cuisse, là. Puis les faufounes dans le bol. Le bassin a été aspiré sous la lunette, près du. près de la bouche. Et là, donc, et elle est restée coincée. Alors là, là, elle a appelé à l'aide, tout ça. Là, ils ont essayé... Mais elle était tout nue. Ben, elle était les culottes baissées, rentrée dans la cuvette. S'aider toute et là, ils ont essayé de la sortir. Les, ils n'ont pas été capables de la sortir parce que ça y faisait mal. Quand les bassins sont rentrés, c'est dur de les ressortir. Comment ils ont fait ces culottes-là? Et là, donc, ils ont dit, bon, ben là, écoutez, madame, on va être obligé de vous laisser comme ça jusqu'à Paris. Puis à Paris, on va trouver une solution pour vous sortir puis que vous profitiez de vos vacances. Mais en attendant, on vous offre le champagne. Fait que là, ils ont apporté une bouteille de champagne. Mais ont, là, elle était... Oui, là, ils l'ont saoulée au champagne. Et là, ça a l'air qu'elle était tellement saoule. Les gens défilaient devant la porte de sa toilette ouverte. Oh, mon Dieu! Elle disait, come on in, come on in! Voyons, comme si... Let's join the party! The party is here! Voyons! Oui, puis elle était vraiment chaude au champagne. Oui, c'est ça. Puis à Paris, ça allait... Tout nu, là. On voit plus rien parce qu'elle est aspirée. Je veux dire, c'est comme... Sa peau était... Oui, c'est comme il y a juste les petites licornes qui volent. Elle avait... Bien, probablement qu'elle avait la hanche molle, tu sais, cette fameuse maladie-là. Ça s'appelle la hanche molle. Donc, aspirée. Et là, à Paris, ça allait qu'ils ont déboulonné la cuvette. Puis qu'ils l'ont sorti avec une serviette enveloppée autour de son bassin et sa cuvette pour qu'elle garde un peu de dignité. C'est quoi? C'est ça qui s'est passé. Bon. Je vais appeler Edgar, là, mais je pense que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Mais ça a l'air que vraiment, ils l'ont sorti. Il a fallu qu'ils déboulonnent le service SCRS. Elle était des foufous dans l'air devant tout le monde. Non, ben là, ils ont mis une serviette. Il y avait une serviette. Mais là, c'est une tente roulotte qu'il faut qu'ils y mettent. Avec... Elle avait le bol comme... autour ben, oui, elle avait de la foufoune. Elle est sortie en Winnebago. Elle a vraiment sorti un tempo. Là. Ils ont mis un tempo autour du bassin. Puis ils l'ont roulé jusque dans le hall. Ça, je suis contente que ça ne me soit jamais arrivé. Hey non, ça t'arrivera jamais. Oh non, s'il fallait que ça m'arrive. Moi, déjà que j'ai eu des avions, ça serait vraiment le bout. Mais La pauvre. Oui. Peut-être que c'est une légende urbaine, hein? Je pense pas. Parce que c'est le week-end, Joseph, le voisin musicien, s'est permis de monter chez Anne et Marc. Comme toujours... Son ami bassiste l'accompagne. Ah ben donc, Joseph qui est là, qui est donc bien fin. Hey, puis Kevin! Hey, salut! Hey! Mais c'est pas Kevin, ton nom. Non. Hey, moi, depuis le début que je t'appelle Kevin. Non, c'est Kevin. Mais non! Non, c'est Troy. Mais moi, l'appelle Kevin. Moi, il peut s'appeler Troy s'il veut dans ses rêves. Moi, je vais t'appeler Troy. J'aime beaucoup les deux. Moi, Troy ou Kevin, ça marche. Troy, c'est très anglais, puis moi, je veux pratiquer mon anglais. Je vais t'appeler Troy. Hi, Troy. Troy or Kevin. How are you today, Troy? Oh, yes. You speak fluently. Yeah, you are really... Give me you, Troy. Give me you, Troy. That means a lot of things. Try me on. Try me on. Turn me on, Troy. Give it to me. Oh, boy. Oh, moi, quand je parle anglais, c'est vraiment une langue étrangère pour moi. Ça fait que je peux dire n'importe quoi. OK. OK. All right. Fait que quand vous le sentez, Joe et Kevin. 1, 2, 3, 4. When you were alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk when the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. Everything's waiting for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Troubles, forget all your cares, so go downtown. Where are the lights of night? Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be And you may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go down, down. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Yeah. Whoa. Nice. Oh, groovy. Yeah. I love it. J'ai pété. J'ai fait des pets. Oui, mais avec ta bouche. Mais c'était pas joli. Ben, avec la bouche, c'est moins pire. Pas des vraies percussions. Ben. Non. Dans l'espoir que Anne réussisse à vaincre sa peur de l'avion, Marc a eu l'idée d'inviter un pilote d'Airbus A320 à prendre un verre. En plus de piloter, Marc-Antoine Plourde anime des séminaires pour venir en aide aux personnes qui craignent de prendre l'avion. Je me demandais si vous aviez déjà eu peur, vous. Vous êtes un pilote d'avion, ouais. Vous êtes... Il doit y avoir quelque chose qui vous a poussé à faire ça. Parce que moi, je connais des gens qui ont appris à piloter des avions, puis c'est parce qu'ils avaient peur, ouais. En partant. Est-ce que c'est votre cas? Moi, non, mon père était pilote. Ah oui, de génération en génération. Ouais, il était pilote. Et puis, je me rappelle quand j'étais petit... Quand ton père est pilote, ça va être la même chose quand il est policier ou pompier ou peut-être un uniforme. Ouais, peut-être un, ouais. Il arrive à la maison après quelques jours, puis c'est tellement impressionnant. Puis la première fois que tu prends l'avion avec lui, parce qu'à l'époque, on pouvait être assis dans le poste de pilotage. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que j'ai peut-être 8, 9, 10 ans, tout ça. Puis c'est la nuit, je vois les lumières bleues, rouges, vert, le poste de pilotage, tout est illuminé. C'est dur à expliquer ce qu'on peut ressentir, mais on a le cœur qui bat à 150. Et puis, ça devient évidemment le rêve. Est-ce que vous en avez déjà eu des accidents? J'ai jamais eu d'accident. Vous avez eu peur? Je veux pas prendre le mot peur, mais c'est les mêmes... Oui, parce que vous êtes un pédagogue. Vous n'avez pas le droit de prononcer ce mot-là, mais je sais. Dites-moi que vous avez eu peur. Anne, c'est parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot peur, puis on aide, comme vous savez, j'aide les gens à traiter la peur en avion... On s'imagine que c'est quelque chose qui est négatif et qui nous empêche de faire notre travail. Mais c'est les mêmes éléments du cerveau qui sont éveillés quand je fais face à une ligne orageuse là, qui a 100 km de large. Mmh. Le cœur va battre un peu plus vite. Ah, on va devenir à 3 heures du matin. Gros, ça, c'est très, très grave. Et ça peut mettre le vol en péril. On peut s'écraser. Anne, non, je m'excuse de Ah non, vous avez un cas ici, là. Vous avez vraiment ouais, quelqu'un. Mais je suis habitué. Hein, encore une fois, ça fait des années que je parle à des gens qui sont vraiment pas bien en avion. Mm-hmm. Donc, j'ai pas peur, mais je vois que j'ai des décisions à prendre. Maintenant, je sais très bien que ma vie est pas en danger. Mm-hmm. Ah, vous le savez? Oui. Vous savez ça, vous? Oui. Bon. Ouais. Un accident, c'est jamais le résultat d'un seul élément, certainement pas la turbulence ou des cellules orageuses. Non. Un accident, c'est comme une mauvaise loterie, hein, la 640. Voilà. Oui. Une mauvaise loterie, un amalgame. On peut voir l'accident de la France à Rio, qui a quitté Rio, qui s'est abîmé en plein océan. Horrible. Mais c'est Suissaire. Souvenons-nous de Suissaire. Un problème de fil électrique dans le plancher. Oui. Moi, j'ai pris cet avion-là 6 mois avant qu'il s'écrase. Le même type d'avion. Puis tout le monde me disait... Puis ça fait longtemps, c'était en 98, cette affaire-là, je me souviens. Mm-hmm. Je me souviens. Mm-hmm. Et ma fille était toute petite. Puis on partait le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et là, je me suis mise à pleurer. Puis je disais, mon Dieu, s'il faut qu'on vienne pas... Ah! J'étais catastrophée. Mm-hmm. Et tout le monde me disait, mais non, mais Suissaire, il peut rien arriver. Avec Suissaire, c'est la compagnie la plus fiable au monde. Mm-hmm. Et 6 mois plus tard, mm-hmm. à Peggy's Cove, ça s'est écrasé. Oui, je me rappelle bien. Exactement le même modèle d'avion. Oui. Alors moi, depuis ce jour-là, je ne crois plus à rien. C'est sûr que vu comme ça... Non, je ne crois plus à rien. Non, mais Anne, est-ce que vous me permettez de... Un problème de câble électrique dans le plancher. Oui. Oui. Maintenant, on a 3,5 milliards de voyageurs, et ça va en augmentant chaque année. Mm-hmm. On a 500 morts par année depuis les 10 dernières années. Mm-hmm. Ben 500, il y en a plus que ça. Il y a 3,5 milliards de voyageurs, les statistiques de IATA, l'Agence internationale de, du monde entier, toutes les compagnies toutes d'aviation réunies, oui. Il y a seulement 500 morts par année. À peu près. Mais c'est ça, oui, mais 500 morts, oui, bon, c'est sûr que sur 3,5 millions, c'est pas beaucoup. Oui. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que quand on a un accident en avion, mm-hmm. on s'en sort pas. Ah oui. Mais c'est combien une poche d'aviation? Excuse-moi, Anne, je fais une parenthèse. Oui, ça m'intrigue. Est-ce que c'est vrai que c'est 50 pieds, les grosses qu'on peut ressentir en avion? Là? Je veux juste apporter une précision. On les appelle les poches d'air, puis on va continuer de les appeler des poches d'air parce que les gens ont fait une référence à la sensation. Mais il n'y a pas de trou dans l'espace où est-ce qu'il n'y a pas d'air. Hein? Pas plus qu'il n'y a pas d'eau dans l'océan où est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Oui. Mais c'est des courants verticaux. C'est pas nécessairement la distance verticale qu'on a parcourue, c'est le temps que ça a pris. Fait qu'on peut perdre 50 pieds en 5 secondes ou on peut perdre 50 pieds en une seconde. Mm-hmm. Et la sensation, c'est que tu as perdu 1000 pieds. Mm. C'est quoi qui est dangereux dans la turbulence? C'est de ne pas être attaché. Le danger n'est pas de l'avion, c'est d'être pas attaché. Et on a vu ça dernièrement en nouvelles, il y a quelques mois. Et je suis toujours un peu abasourdi de voir, comme quand je suis passager, de voir des gens qui ne s'attachent pas. On n'a pas besoin de couper la circulation des jambes, là. Mais attachez-vous, même si l'insigne n'est pas allumé, l'insigne pour la ceinture. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on vole au plafond, c'est ça? Ben oui, mais voler au plafond, quand tu perds 50 pieds en une seconde, ça fait des méchants mots. Ben oui, non, ça fait. Il y a déjà une personne qui est morte de ça avec United, ça, il y a 15 ans. Ah oui? Oui, mais une personne sur des millions de vols. Oui. Non, mais je m'en fais pas. Elle n'avait pas eu le temps de s'attacher, peut-être. Ben non, mais on faut toujours être attaché. Le plus éprouvant qui pourrait nous arriver pendant un vol... Comme passager ou comme... Oui, comme passager. Au point que le petit masque descend. Oui, le petit masque tombe. Et puis moi, à chaque fois que je prends l'avion, d'ailleurs, je me demande toujours d'où il va sortir, puis j'oublie tout. J'oublie tout de ce que j'ai vu dans ce petit... Démonstration du début. Mais alors ça, c'est parce qu'on ne sait pas... Est-ce que c'est grave à ce moment-là? Si jamais le petit masque descend, est-ce que c'est... De ne pas le savoir, ça aussi, ça ajoute peut-être... L'inconnu ajoute peut-être à la peur qu'on peut avoir déjà au départ, là, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on traverse. L'industrie du cinéma a vraiment pris avantage de ce masque-là pour créer des sensations fortes. Encore une fois, je le dis sans jugement. Ben non. Ceci dit... Quand un masque tombe, c'est une bonne nouvelle. On a un bris dans la pressurisation. On a un système qui a été déclenché. On a des pilotes qui sont avertis. On se rappelle toujours du golfeur Payne Stewart qui a eu un problème de pressurisation, qui n'ont pas été avertis, puis qui ont manqué d'air, puis qui ont craché avec des pilotes inconscients. Fait que quand le système... Ça, c'est plate. Oui, ça c'est vraiment plate. C'est plate. On parle... Pourquoi il peut avoir un problème? Attends, mais... Oui, mais ça finit bien l'histoire. Oui, mais pourquoi a-t-elle commencé? Donc, si on regarde l'aviation commerciale, le fait que les masques tombent, ben, ça veut dire que le système a été déclenché, le pilote est vraiment très conscient de la situation et on a un problème de pressurisation. Est-ce que ça vous est souvent arrivé, ça? Jamais. Oh. Ce qu'on voit, puis jamais un de mes collègues, Non. Ce qu'on voit, par contre, surtout Hollywood qui a fait ces films-là, on voit l'avion qui pointe du nez et qui descend comme une roche. Mais c'est pas le cas. On voit des pilotes hors contrôle. C'est pas le cas. On baisse le nez. C'est une descente qui va être plus importante qu'une descente normale. Donc, une descente normale qui est à peu près 3000 pieds minute. Hein. On baisse le nez de quelques degrés sous l'horizon. Là, on va être 4, 5, 6 degrés sous l'horizon. On va aller chercher des vitesses de 5, 6, peut-être 7000 pieds minute. Ce qui est pas excessif non plus. Mm-hmm. Puis on va aller descendre à une altitude où l'air ambiante, on peut la respirer, puis bien la respirer mm-hmm. pour survivre. Pendant ce temps-là, les passagers, on dit aux gens, le masque tombe. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le mettre sur notre visage. Hein, puis on dit aux mamans, tu le mets sur ton visage avant de le mettre sur le visage de ton enfant parce que tu peux perdre connaissance. Faute d'oxygène dans tes poumons. Ça, c'est toujours drôle parce que sur la vidéo de démonstration, ça se fait toujours dans un... Ils sont toujours joyeux, pourrais... c'est oui. calme. Ben oui, je vais mettre mon masque, oui. je vais mettre le tien après. Oui. Mais encore une fois, je vais vraiment une vidéo qui une mère qui panique puis qui sait pas... Non, c'est sûr. Moi, j'ai vu... Mais c'est ce qu'on devrait faire parce qu'on va pas mourir. On ne va pas mourir. On va simplement mettre le masque et les pilotes vont amorcer une descente. Mm-hmm. Puis en peu de temps, quelques minutes, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Non, mais il y en a pareil, des accidents d'avion. Mais Anne, on ne s'en sort pas. Anne, j'en reviens à ceci. Je la comprends, je la ressens, votre peur. Mais tant qu'on n'arrive pas là, on ne peut pas régler notre peur en avion. Parce qu'on va la défendre. Et c'est ça qu'Anne vous fait présentement. Ah, oui. Vous la défendez. Oui. C'est quelque chose qui a été appris par le cerveau. Puis si on l'a appris, ben, on peut le désapprendre. Puis c'est ce qu'on a vu dans les 15 dernières années de séminaires qu'on a fait. OK. Alors, il y a un taux de réussite quand même. Vous arrivez ben, oui, on enlève en moyenne sur 10 points de peur, on enlève 6 points. Donc, tu arrives avec les gens qui viennent nous voir, si on dit 10 étant une peur extrême, 0, tu n'as aucune peur, tu es comme dans ton salon. La moyenne des gens qui viennent nous voir, on frôle le 9. Ah oui. Puis on enlève 6 points à ça en moyenne. Ah oui. On a 15 participants. Ben oui. Moi, je n'ai jamais voulu y aller parce que je me disais, mais non, ils ne réussiront pas à répondre à mes questions parce que c'est pas rationnel. Je peux défaire tous vos arguments. T'sais, j'en vois à tous les mois. Il y a des nouvelles à la télé. Il y a toujours un avion qui vient de s'écraser ou qui a dû faire un atterrissage forcé. Les gens sont à moitié morts. Juste 500 morts. Ça m'étonne. Sur 3,5 millions. Que vous me disiez que vous n'avez jamais eu le moindre petit accident. Non, depuis le temps, vous conduisez. Mais vous avez peut-être eu des amis. J'ai jamais eu personne qui a eu des accidents. Pas dans comme pilote de ligne aérienne. Jamais. J'ai des amis qui ont des collègues de travail qui ont fermé un moteur, mais qui ont fermé un moteur. Oui, mais t'as deux moteurs, puis l'avion est fait avion. Il est fait pour rouler à un moteur. Mais si l'autre fonctionne plus, ben là c'est. Oui, mais pour que l'autre fonctionne pas, là, on est rendu que vous allez gagner une loterie de 649 quatre fois avant que ça arrive à vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ça se règle. Est-ce qu'on peut. Là, vous l'avez dit, là, qu'il y a 6 sur une échelle de 1 à 10, là, mettons. Là, si on enlève 60 %. On enlève 60 %. C'est déjà énorme. Il y a des gens qui partent à un 10, qui tombent à un 0. Et c'est réglé pour eux. Je mais ceux qui sont à 10, ils ne veulent pas prendre l'avion. Non, ils ne prennent pas l'avion. Ils prennent pas. Ils viennent faire un séminaire. Puis à la fin du séminaire, on a un petit avion de 17-18 places. Pas gros, là, avec des hélices. Mm-hmm. On prend des gens qui ont très peur. Puis c'est dur, dur à vendre au téléphone quand j'essaie de leur vendre l'idée. Vous les amenez dans un avion à hélices? À hélices? Oh non. Mais à l'envers. Anne, 9 sur 10 en moyenne, le 8,7 puis 8,8. Puis vous êtes sûrement dans le coin d'un 10. Oui? Mais on en a des 10. Moi, je te donnais 7. Je te donnais 7,2. Ben, moi, je te donnais 6 parce que depuis 5-6 ans, ça va beaucoup mieux. Et avant ça, je vous dis pas, là. Ah oui, bon. T'as descendu, là, ça va quand même mieux. Ça va mieux. Parce que je le prends souvent, mais j'aime pas ça. Mais on part des 10, puis on arrive des fois, à quelques reprises, on arrive avec des 0. Mais ça m'étonne qu'avec toute l'expérience que vous avez, vous n'avez jamais connu quelqu'un qui a eu un gros accident d'avion. Jamais. Jamais. Vous dites ça, vous faites ça pour me rassurer. Non, mais écoutez, moi, mon père était, évidemment... Lui, il a dû reconnaître, de 1958 à 1994. Fait qu'il y en a un. Puis la femme qui s'est fait aspirer par la hanche molle, qui est rentrée dans la cuvette? Ben oui, il m'a raconté une histoire. Une dame qui était à la toilette. Et puis, elle était aspirée par le... Ah ouais, elle est rentrée dans la cuve à cause d'une on appelle ça une poche d'air. On sait que c'est pas. Ils ont dû dévisser le boulon de la cuvette en arrivant à Paris puis la sortir avec un tempo autour de la taille. Ils ont donné du champagne pour la calmer parce qu'elle était trop stressée. Ça c'est une histoire vraie que vous me racontez. Oui, apparemment, oui. Apparemment. Oui. Ok. Moi, je l'ai jamais entendu. Marc se lève et se dirige vers la bibliothèque. Il attrape un livre et revient s'asseoir dans le sofa à côté d'Anne. Ses doigts font voler les pages de la pièce de théâtre « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay. Hey Louise, tes toasts brûlent! Hey Louise! Tes toasts brûlent! Marie-Louise, tes toasts brûlent! Fais-tu exprès? Veux-tu parler moins fort? Nous entendre jusqu'au 7e voisin. Tu vas réveiller les enfants encore. Hey, ils dorment pas les enfants. Aussitôt que j'ai mis le pied en dehors du lit, ils dorment plus les enfants. Même si on parlerait tout bas, ils s'arrangeraient pour entendre ce qu'on dit. Ils entendent toujours tout. Ils savent toujours tout. Ils sont toujours cachés quelque part en arrière des portes là pour nous écouter. Je te cache 30 sous que Carmen est en arrière de la porte de la cuisine. Là. Tu as dit qu'il faut que tu sois sûr de ton coup pour gager 30 sous. Allez, laisse faire, Marie-Louise. Fais-en pas d'autres toasts. Je vais gratter celle-là. Là. Restes-tu du bonne pinotte? C'est-à-dire que j'en ai acheté un pot neuf. L'autre était vide. Ben, sors-les. Il restait plus de smoothie, Léopold. Ça fait qu'il... Hey! T'as encore acheté du crunchy? Ben, il n'y en avait plus de smoothie, vierge! Non, on avait plus de smoothie, vierge. Tu vas pas me faire une scène pour 6 cents? Ah, mais certain que je vais te faire une scène. Quand c'est pas le beurre de pinot qui est bouché, c'est steak caché qui coûte 69 cents de la livre au lieu de 49 cents. Quand c'est pas le steak caché, c'est d'autres choses. T'arranges toujours pour me demander de l'argent de mardi, toi, hein? Mais tu m'en donnes pas assez? Ben oui, je t'en donne assez, je t'en donne même trop. Tu sais combien je fais par semaine à suer comme un Chris en croix en arrière de ma crise de machine pour vous faire vivre? Ben oui, je sais que tu fais salade de crève faim. Mais c'est pas une raison pour se priver de beurre de peanut crunchy? Quand tu sues comme un Chris en croix en arrière de ta crise de machine, dis-toi qu'au moins demain, tu vas manger du beurre de peanut crunchy au lieu du beurre de peanut smoothie. C'est déjà mieux que rien, bâtard. Chaque fois que j'achète quelque chose d'un peu plus cher, ça me fait une scène à tout casser. Mais t'en manges en écœurant, par exemple, hein? Aussitôt que tes scènes sont finies, c'est toi qui en manges le plus. Ben là, ça, c'est normal, par exemple, que le père de famille mange plus que le restant de la maison. C'est lui qui a fait vivre. Si je serais pas là, vous crèveriez comme des rats. Si tu serais pas là, on serait pas là, nous autres non plus, on serait bien en équerre. Hein? Ouais. C'est rough. C'est effrayant. C'est épouvantable, cette pièce. Si tu serais pas là, on serait pas là, nous autres non plus, on serait bien en équerre. Hein? Veux-tu d'autres toasts? Mm. Hein? Mm. Veux-tu finir ce qui reste de pain? Mm. Comme ça, tu pourras continuer à crier au meurtre quand je vais renvoyer Roger en chercher d'autres. Quand on s'est mariés, tu pouvais marcher 3 000 pour sauver 2 cents sur une boîte de sardines. À ce temps que t'es trop gros, que t'es trop au plug, tu te contentes de crier. Mais laisse-moi te dire que j'aimais mieux quand t'allais marcher 3 000, Léopold. Ben oui, j'aurais pu aller au Steinberg pour acheter du smoothie, mais ça me tentait pas. Ben oui, j'aurais pu sauver 6 cents, puis après, c'est loin le Steinberg l'hiver. J'ai pas toujours envie de me geler les pieds pour gagner 6 cents. Bon, ben là, c'est toi qui es pompé, hein? Veux-tu que j'ouvre le châssis pour que les voisins entendent, puis qu'ils aillent le porter à tout le monde que je t'empêche de manger? Mais papa, tu l'ouvriras pas le châssis, ça refroidirait à la maison, puis faudrait chauffer plus fort. Tiens. Pot de beurre de pinot est déjà à moitié vide, avec 2 toasts. Hey, c'est moi qui l'ai payé. Ça fait 5 pots de beurre de pinot pour un pain. Comme il dirait à TV, t'as pas le sens d'économie, mon petit gars. Oh, t'écoute que je tire la nappe. Je vais aller laver la vaisselle. À moins que tu veux le finir, le pot de beurre de pinot à cuillère, comme tu le fais la nuit des fois. Qu'est-ce que tu dis là? Tu que je le sais pas. C'est toi qui l'as fini, le verra de pot de confiture aux fraises. Tu fais assez de train, puis tu pètes, puis tu craches assez fort quand tu te lèves la nuit, que les voisines en bas doivent penser qu'il y a un orage qui se prépare. Tu penses que nous autres, on dort comme des anges et qu'on s'aperçoit de rien? C'est pas un péché d'avoir faim la nuit, Léopold. Surtout quand on est gros comme toi. Mais pourquoi tu veux pas l'admettre? Hey, je t'ai dit l'autre jour que je voulais plus en entendre parler de cette histoire-là. T'as-tu compris? Veux-tu l'avoir d'en face, le pot de beurre de peanut crunchy? Colin! Mais tu sais, un couple qui s'aime, là. Ben oui, ça c'est sert. C'est un couple qui s'aime au-delà oui, des fois. De toute exactement. Petite... Exactement, des fois, il y a des petites prises de bec. Des puis, fois. À un moment donné, il y a un calme après la tempête. Exactement. Ça, c'est, l'important, c'est de dialoguer, je pense, qu'un couple fonctionne. L'important, c'est de s'aimer. Ben oui, d'abord, c'est l'amour. De c'est s'aimer, l'amour, de se respecter, comme ils font, puis d'être capable de dire, de rien garder en dedans. Non. Ouais. Puis moi, j'aime ça du beurre de peanut. Mm-hmm. C'est bon. Sérieusement, t'es-tu plus que crunchy ou smoothie, toi? Et moi, je suis bien plate parce que moi, je suis le genre à aller au magasin de produits naturels puis en faire là, tu sais. Tu l'achètes en vrai. Mais en même temps, ben en fait, j'en achète pas. Parce que mes 2 enfants sont allergiques aux peanuts. Ah! Oui! Après avoir parlé de tout ça. Ben oui, mais c'est merveilleux, ça. Je suis tombée sur un livre. Oui, t'es tombée sur. Écrit par. Nadine de Rothschild. Okay. Ça s'appelle Le bonheur de séduire, l'art de réussir. C'est un livre qu'elle a écrit. Le bonheur de séduire, l'art de réussir. Oui. Et Nadine de Rothschild, c'était une actrice, hein? C'est une comédienne au départ, oui. Elle a marié un riche banquier suisse qui était de Rothschild. Mm-hmm. Et elle est devenue Madame de. Et elle s'est permis d'écrire ce livre sur les bonnes manières. C'est un livre d'étiquette sur... Okay. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Comment se comporter en société. Tu vois, ça commence ici. Si tu veux réussir ta vie... As-tu toi le lecteur? Ben, c'est une petite citation, ça doit être d'elle-même, puisqu'elle ne dit pas d'où ça vient. Okay. Si tu veux réussir ta vie, accroche tes rêves à une étoile. C'est joli, ça? Elle dit ici, vous pouvez accumuler une somme considérable de connaissances, les diplômes les plus prestigieux, visiter tous les continents et rester un voyageur clandestin si vous n'emportez pas dans vos bagages le seul passeport qui ouvre toutes les frontières et tous les cœurs, le savoir-vivre. Ça le dit, hein? Chaque livre, même un ouvrage de savoir-vivre, reflète la personnalité de son auteur. En le lisant, vous vous apercevrez que j'aime les gens de tradition, mais que je n'aime pas les tartuffes. Non, elle ne les aime pas. Aussi ai-je abordé, comme l'aurait fait Madame Sans-Gêne, des situations susceptibles de choquer la décence, mais qui existent et sont devenues courantes. Elle est formidable. Attends, j'avais mis quelque chose ici, puis je le retrouve plus. Mais tu l'as lu et relu et relu. Je l'ai parcouru. Les pages se détachent toutes seules. Il n'y a plus de relieu qui tienne, il n'y a plus rien. Je vais t'en faire lire un extrait. J'aimerais ça. Savoir vivre avec un accidenté de la route. C'est un chapitre? Oui, c'est ici. Ah, ben voyons donc. Tout ça. Oui, j'aimerais que tu le lises. Ben oui. Vous souvenez-vous de ce film, Les choses de la vie, tiré d'un beau livre de Paul Guimard, et dont les vedettes étaient Romy Schneider et Michel Piccoli? Un accident sur une route de campagne, la voiture fait plusieurs tonneaux, son conducteur est éjecté. Couché dans le pré, Michel Piccoli est à demi-conscient. Les gens et les secouristes qui s'attroupent autour de lui font tout haut leur réflexion. Il a l'air fichu. Il est dans un état terrible. Oh, s'il n'est pas mort, ça va pas tarder. Et finalement, il n'y a plus rien à faire. Et l'accidenté entend tout, s'affole. Il voudrait pouvoir leur crier « Emmenez-moi, je ne suis pas mort ». Mais il est incapable de parler, d'ouvrir les yeux. Ces scènes ne se passent pas que dans les romans. Je connais un célèbre professeur de médecine, Jean-Claude Sherman, à qui la même aventure est arrivée après un accident de scooter, alors qu'il n'avait que 20 ans. Moralité de l'histoire, devant un accidenté de la route, n'ayons que des paroles rassurantes. Rappelons-nous qu'il peut nous entendre. Écartons les badauds et les importuns. Et surtout, faisons notre possible pour que le blessé soit dirigé au plus vite vers un hôpital. Hey, c'est merveilleux. C'est-tu un bon conseil, ça? Savoir vivre avec les handicapés, savoir vivre avec les vieilles personnes. Il y en a plein. Savoir vivre avec les immigrés. Ah, aimer l'étranger, oui, car vous avez été étranger en terre d'Égypte, dit la Bible. Ben oui, je sais pas. Ah, c'est extraordinaire. Il y en a, attends, les liaisons. Ici, celui-là, ah oui, la prononciation. On doit prononcer toutes les lettres d'un mot et éviter farouchement de dire « t'as été au cinéma? T'as vu cet homme? » De même, on ne retire pas les voyelles d'un mot. On dira « un jeton, jamais un jeton. » Genève, jamais Genève. Chemin, jamais chemin, jamais chemin. Et on n'en ajoute pas. Un pneu n'est pas un pneu. Ça n'a pas de sens. Non, c'est vraiment... Il y en a des comme ça. Attends. Il y en avait une autre que je veux te faire lire ici. Que rapporte-t-on de ces pays? Il y a tout un chapitre sur les pays étrangers. Que doit-on? La Grèce, la Hollande. Ouais. Que rapporte-t-on de ces pays? Et il y a le Canada francophone. Oh! Qu'est-ce qu'on rapporte du Canada? Oui. Ah, c'est bien merveilleux. Le Canada francophone. Dès votre descente d'avion, vous découvrirez un accent et un vocabulaire qui vous dérouteront. Vous pourrez entendre ses frères si proches et si lointains vous dire... Ah, ses frères si proches et si lointains, ça, c'est voyons. Nous, ça. Mais oui, là... À date, ton char, parqué en zone de toage, un tir magané, tu vas te faire pogner. Traduction. Aujourd'hui, ta voiture en stationnement interdit a un pneu en piètre état. Tu vas te faire pincer. À un bon spectacle, vous aurez du fun. Mais si quelqu'un vous ennuie, vous êtes tanné. L'argot, le joual, vous réserve ainsi des surprises. Jouer aux fesses, c'est flirter. Ben, donner voyons. La claque, c'est faire l'amour. Ah ouais. Ben là, jouer aux fesses, c'est pas flirter. Ben voyons, non, jouer aux fesses, c'est comme let's go. Là, ben oui, let's voyons. Go, punishment one. Oui. Jouer aux fesses, c'est flirter. Donner la claque, c'est faire l'amour. Ne dites pas à un homme, « Oh, comme vos gosses sont beaux. » Oui, c'est trop. Vous flatteriez non pas son orgueil, mais sa virilité. Vous l'avez compris, le français canadien n'a pas suivi la même évolution que notre langue. Oh my God. Ouais, il s'est enrichi d'une multitude d'expressions ou de mots anglais curieusement francisés. Le style savoureux et superbe des écrivains canadiens Antoine Maillet, Anne Hébert, Denise Bombardier sera la meilleure introduction à ce territoire 10 fois grand comme la France et où vivent 6 millions de Canadiens restés fidèles à leurs racines et à notre langue, malgré les siècles et l'immensité de l'océan. Hey, c'est niaiseux, ça hein? Hey, c'est niaiseux solide. Et quoi rapporter Madame du Canada? On peut rapporter, oui. Outre le sirop d'érable, on peut rapporter quelques fourrures. Lynx, vison, écoute... Ah oui, comme si on cueillait ça dans la rue. Ben, hey, oui. C'est merveilleux. C'est assez drôle. C'est-tu merveilleux? Fait que c'est ça, Nadine de Rothschild, de bonheur de séduire, l'art de réussir. Je ça se trouve encore, ça? Je pense pas. C'est le plus beau jour de ma vie. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval, sur ICI Radio-Canada Première. J'ai vu Joël Denis au Nautilus à Brossard. Ah bon? Oui, tu t'entraînes à Brossard? Dans l'ancien temps, puis il était là, Joël. Ah bon? Un charmant monsieur avec une casquette et la palette un peu de côté. Là, ah oui, vrai, comme Gavroche un oui, peu. Gavroche, oh, garnement, oui, Gavroche, Gavroche. Ah oui, je le sais. Et puis, il était rentré, il était au comptoir et puis il parlait très, très, très sympathique avec tout le monde qui rentrait, qui sortait. Ben oui, c'est sûr. Puis au Nautilus de Brossard, il y a un monsieur que j'adore qui répare le cordage des raquettes de racquetball qui était là. Tu joues au racquetball? Oui, j'ai déjà joué au racquetball dans une ancienne vie. Avec Normand Brathwaite. Donc, oui, dans le temps que Normand, il jouait au racquetball. Oui, dans le temps qu'il jouait au racquetball, puis qu'il marchait. Puis il allait au Nautilus de Brossard. Il allait des fois au Nautilus de Brossard, quand il marchait, tout ça. Des fois, il se rendait là. Parce qu'il y avait une petite casquette Gavroche. Non, il y avait une petite casquette Gavroche. Il y avait un petit kipi à l'envers, Kangol. Un petit kipi à l'envers, Gavroche Kangol. Alors, voilà, c'est pour ça que tout à coup, j'ai un flash de Joël Denis, puis je m'ennuie. Bon, on va chanter une de ses chansons très, très populaires. Je crois bien. Vas-y, mon Marco. Ah, on va y aller de même. Je l'ai connu là, là, en dansant le ya-ya-ha-ha. Ha-ha. petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Attention les copains, je l'ai connu la la en dansant le ya ya. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. J'entends sans fin. Dans mon cœur lourd, comme un refrain. L'air d'un souvenir n'en finit plus de gémir. Prévision d'un hypothétique voyage au Nouveau-Brunswick, Marc et Anne ont eu envie de s'initier au chiac avec Jacques et Gabriel du groupe Radio-Radio. Non, mais moi, je me demandais si le chiac était le même en Nouvelle-Écosse qu'au Nouveau-Brunswick. C'est-tu exactement... Quelle belle question. Ouais. Mais non, mais parce que... C'est bien bright, ça. Ben, oui, mais effectivement. Mais je suis intelligente à mes heures, des fois. C'est une bonne question. Oui, mais enfin, Nouvelle-Écosse, c'est pas le chiac pantoute, là. C'est un autre dialecte, c'est l'Acadian. L'Acadian? Oui, c'est comme l'Acadien, mais l'Acadian. Okay. Puis c'est pas exactement la même chose. Différentes utilisations de l'anglais et le français, puis les vieux mots Mi'kmaq. Ouais. Puis vraiment l'ancien français. Par exemple, des termes nautiques. Moi, je vois pas lasser mes souliers, je vois mordre mes souliers. Je vais pas arriver en voiture, je vais havrer comme un bateau. Havrer comme le bateau qui havre. Ben oui, c'est magnifique, c'est poétique comme mort. Chose comme ça. Puis le chiac, là, ouais, mais je niaise pas, j'adore ça et j'aimerais ça. Ah oui. En fait, un cours express. Juste en apprenant quelques mots, oui. Puis quelques passages chiac ou acadian, vous allez automatiquement loosen it up. OK. Loosen it up. Parce que quand on est trop coincé dans nos petites culottes avec la langue, ouais. Ça a un impact sur toute notre personnalité. Mais c'est parce que la luette se contracte. Parce que le stress, ça va se libérer. C'est comme on dit, faut que j'accorde ça avec être. Ouais. Oh non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'as le choix, là. Avant, on faisait tout avec avoir. Il n'y avait pas d'être. Il y avait cet avoir. Les Acadiens utilisent tout avec avoir. C'est pas je suis allé. Je suis allé. Non, c'est j'ai été. OK. Mais quand on dit, par exemple, comment on dirait, tu es ma femme, je t'appartiens, comment on dirait ça? Tu es ma femme. OK, tu es ta femme, c'est, tu l'as tué. Pas l'assassiner avec un arme tranchant. Oui, tu es ma femme en chiac. Tu es ma femme, je t'appartiens. Comment on dit ça en chiac, par exemple? C'est la même chose, j'assume. Ben, ouais, les femmes acadiennes, ils ont pas mal de backbone. C'est pas les autres qui t'appartiennent. C'est vrai. Ils ont le backbone. Non. J'aime ça, le backbone. Mais non, je pense qu'on dit. Mais moi aussi, j'ai des images. On dit, t'es ma femme. La colère en chiac, est-ce que. La colère, c'est comme la colère dans n'importe quelle langue, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des expressions imagées qui vous appartiennent? Je pense que. Comme en Acadie, on n'a pas de tabarnak puis de calice. Il n'y a pas beaucoup d'expressions que j'utiliserais en Acadie pour jurer, pour exprimer autant cette frustration-là. OK. Parce que nous, je dis fuck off. OK, oui, c'est ça. Ah, ouais, le bon vieux fuck off. C'est bien plus simple. Ouais. Aussi, ben oui, mais en même temps, c'est que t'es en forge contre les Anglais, tu veux là qu'ils te comprennent. Là. Sinon, c'est comme mon petit tabarnak, il dit what you call me. Puis c'est comme non, t'es comme fuck off, il comprend. C'est universel, c'est comme. Mais j'ai bon jurant, c'est. Il y a un gars par chez nous, il était vraiment fâché. Son tracteur, ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, ça fonctionne pas. Puis il voulait jurer, mais il voulait vraiment. Il est venu avec ça. Juron ici, qui est vraiment exclusive à Grosse Coque en Nouvelle-Écosse. C'est un petit village. Puis, c'est... Comment? Grosse Coque. OK. Coque. Big Clam. Big, Grosse Coque. Big, big, big Coque. Big clam, oui, c'est big ça. Big clam. Oh, clam. Oh, clam. Oh, clam. Clam. Ah, okay. Oh, OK. Oh, OK. Comment, le village des pêcheurs? Ben, c'est parce que it's a title a of a movie clam. Also. Oh, big clam. Big, big, big clam cock. Mais au Grosse Coque, le gars, il voulait vraiment, il voulait jurer, au Grosse Coque, puis il dit, non, non, je vais, comme il voulait dire fuck mes papas, parce que c'était pas assez, c'était pas vraiment dans lui, puis il sait pas comment jurer en français non plus, so il a pensé, ben, c'est quand un fuck, c'est bad. Triple fuck, ça doit être pire. So, son nouveau jurant. Triple fuck. OK. Ça, t'es vraiment. Là, t'as le tracteur qui est vraiment mort. Non, non, non. Là, t'es comme. Ah non, tu sais. Tu vas juste couper avec ta scie, puis là, t'as besoin de marcher de, comme 6 km plus loin à la maison avant de mourir. Triple fuck. Non, non. Très pas le fuck. En plus, tu finis ta marche avec une mort. C'est triple fuck. Fourth fuck. Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu personne aussi pissed off. Non, mais ça, là, ça, c'est sérieux, là. C'est incroyable. Moi, ça m'arrive des fois. D'être triple fuck. Quand je suis vraiment à bout, là, je vais le dire. Non, mais là, va abstrait, je dis triple fuck to the fourth power of infinity, là. Puis voilà, comme, ça, c'est merveilleux. C'est comme, c'est une réplique de, c'est la version Star Wars Shack, là, mettons. C'est beau, là. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. C'est comme Star Wars. I love track. OK, you're a Star Wars fan. Là, j'ai attraqué, moi. C'est plus, Tu l'as traqué? C'est tricky. Ah, t'es tricky, toi. Oui, tricky, OK, oui. Fait que t'es vraiment plus Leonard Nimoy. Les Ferengi, ouais, il est mort, là, c'est ça. Mais es-tu vraiment triple mort? Fuck. Je crois pas dans Dieu, mais je crois dans Leonard Nimoy. OK. OK, tout est t'es vraiment... Vous êtes très... Et hey, mon Dieu, en plus, c'est des raéliens. Vous êtes les raéliens là. Oh, mon Dieu. Ça périclite, mais ça existe encore. Hein. Faudrait y repenser à ça. Faudrait qu'on en parle de ça. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai rencontré Raël avec des disciples qui étaient venus à la fin du monde. C'était une émission que je faisais. Il était venu en entrevue. Il est arrivé avec sa cour de raélienne. Ah oui, alors, il y avait à peu près des nymphettes. Il y avait 6 jeunes nymphettes centaures toge blanche, qui sont entrées en studio. Sans soutien-gorge, j'imagine. Bon, complètement, c'est comme avec un grand frisson. Puis, en studio, il fait frais dans les studios. En fait, il y avait le népule sorti. Complètement, complètement offerte. Et là, ils étaient assises devant le bureau. Puis là, je faisais mon entrevue, il faut le dire vite, avec Raël. Et puis, après Raël, dont il m'a dit, est-ce que Marc, mon groupe et moi, aimerions vous inviter ce soir? Ben voyons, une orgie? Oui. Ben voyons! C'est alors là, ben en fait, il m'a pas dit une orgie, il m'a pas parlé de Rome, il m'a pas parlé des Grecs, là, mais c'est ça, mais il y avait le chignon bien intéressé, puis toutes les nymphettes étaient comme... Et moustillées, ben, j'avoue... Oui, c'est parce que pas du tout... Une douzaine de nymphettes avec le népule sorti. C'est parce que à ce moment-là, pendant un court moment, j'étais tenté. Tu voulais devenir raélien. Non. Ben... J'ai pensé l'espace de juste un colloque là. Un fin de semaine de congrès, une soirée, une découverte. Son discours sur Stinette Booth? Ben non. Est-ce que je peux vous demander, bon, moi je rêve d'entendre en chiac des extraits de poésie ou des œuvres littéraires que j'ai aimées puis que je connais ou que je relis régulièrement comme ça, puis on en fait ici de temps en temps, là, des grands textes et puis tout ça. Puis on a un autre aujourd'hui que j'aurais eu envie d'entendre en chiac, si ça vous dérange pas, c'est la biographie de Jeannine Souteau par un grand texte par Jean-François Lépine. Oui. Et il y a plusieurs passages bouleversants là-dedans. Il y en a un, entre autres, où Mme Souteau, Jeannine, se casse la jambe, mais c'est pas parce qu'elle se casse la jambe. Genou, hein, elle a un problème de genou. Puis c'est pas le malheur, c'est pas son malheur que je trouve, je sais pas. C'est la comment c'est tourné, comment c'est amené, comment... on est avec elle, en tout cas, dans son genou, puis on la... Et il y a des bouts de... qui parlent de un peu de ma famille, mais par accident. Oui, c'est vrai, ça parle de toi. C'est pour ça alors, que c'est touchant aussi. Tout ça ensemble, pour moi, c'est comme, est-ce que je peux vous demander de faire une lecture en chaque à tour de rôle, puis nous, on va le lire en français après. Okay. Alors, est-ce que... Bel exercice. OK, alors, c'est quand vous voulez, donc, je rappelle que le titre s'appelle « Vivre avec le destin ». Ouais. So, right avant le premier show, Jeannine se ripte pas le genou en descendant la butte qui seront au théâtre. Ouais, jusque date, ça va? C'est super. C'est super. Le texte original, c'était « Pente », puis là, on parle de butte. Ce soir-là, elle décide de jouer anyways. But the next day, le mal était encore pire. Quand elle a besoin pour la première fois de sa vie manquer un show. Triste. Ouais. T'es Gaëtan Labrèche, assume ton père, avec une virgule. Lui-même décide de le remplacer. Sin Skeletta, la seule à connaître le texte, et les moves sur le stage. Comment tu dis mon père en chiac? Non, c'est ton père, juste Yvan Virgule, je voulais mettre l'emphase sur Yvan Paul. OK, je pensais que tu l'appelais Gaëtan Virgule Labrèche. Ça aurait pu. OK. Labrèche se met sur le dos une robe que Marjolaine Hébert y avait donnée, puis se lance dans une aventure avec le courage qu'il avait besoin, considering le haria qui était dedans. Ah, c'est donc beau. Considering le haria, ça veut dire... considérant la il faut toujours un peu rouler le R, hein, aussi, c'est toujours mieux. C'est important. Okay. Considering, répète-le donc. Considering. Le haria. Avec qui était dedans. Connaissez-vous ça au Québec, le haria? Un haria. C'est une histoire invraisemblable. Parce que par chez nous, on dit beaucoup haria, puis je sur Facebook. J'ai checké avec des amis, puis ça va loin. Ça, c'est des vieux mots. Ça fait que le chiac, c'est important de noter que c'est pas juste une bastardisation. Il y a un hommage au parler français qui est important de souligner, puis qu'on est aussi fiers. Ben oui, je comprends. Oui. Le deuxième extrait, c'est le deuxième. OK, ben je vais lire ça, puis après ça, vous direz. Ben, okay. Surtout que ça parle de ton petit papa. Ah, mon papa. Un jour, pendant les répétitions de la pièce Le bal des voleurs de Jean Anouilh, qui doit prendre l'affiche le 6 mars 1975 au théâtre du Rideau Vert, Jeannine Souto s'aperçoit avec effroi qu'elle est souvent en retard dans ses répliques parce qu'elle a trop bu. Ben oui. J'ai eu tellement peur. Pour moi, c'est une date importante. Ce jour-là, elle n'en parle à personne, pas même au metteur en scène Gaëtan Labrèche, son petit papa, avec qui elle est pourtant très liée. Mais l'incident marque un tournant dans sa vie. À partir de ce moment, elle décide qu'elle ne boira plus d'alcool. Oui. Bon, alors là, vous l'avez traduit ça aussi. Oui. Un jour, pendant les répètes de la pièce « Le bal des voleurs » de Jean Anouilh, qui doit être présentée le 6 mars 1975 au Théâtre Rideau Vert, Jeannine Souto notice et freak out about le fait qu'elle est souvent en retard dans ses répliques parce qu'elle a trop bu. Notice et freak out. J'ai eu tellement peur. Ouais. Peur, on le dit ensemble. Peur. Peur. Fait que là, elle freak out parce qu'elle a trop bu. Elle se rend compte que ça a un impact sur son boulot. J'ai eu tellement pur. Pur. Jacques, puis tu continues. Ce jour-là, elle n'en parle pas à personne. Même pas au metteur en scène Gaëtan Labrèche. Ton père, virgule. Mais oui, papa. Ouais. Avec qui elle est pourtant très tight. Elle est tight. Ouais, je sais pas ce qu'elle est tight, je sais qu'on n'a pas vraiment. Ils sont tight. Ça veut pas dire qu'ils sont amoureux, là. Ils sont vraiment liés. Ils sont liés d'amitié. Ils sont prêts. Ils sont tight. Mais Jeannine est tight, ça fait longtemps, là. Oui, puis Gaëtan, il a été tight longtemps aussi. Oui. Mais Jeannine, c'est une génération qui était comme ça. Mais toute cette génération, tous les jeunes comédiens du TNM, puis les fondateurs du TNM étaient toutes têtes. Jean Gascon, vraiment, Jean-Louis Roux, il était tête. Jean-Louis était tête. Tout le CA aussi. Comme un colonel. Ouais. Droit. Puis on a-tu la dernière phrase, la résolution? Mais l'event. L'incident marque un turning point dans sa vie. C'est ça. À partir de ce temps-là, elle décide de plus ever boire. C'est bien beau! Plus jamais boire. C'est magnifique. Boire. Anne revient de la cuisine avec un gros sac de biscuits qu'elle a acheté ce matin dans le Chinatown. Un biscuit chinois? Un petit biscuit chinois? Oui. Avec des petits messages à l'intérieur. Les fortune cookies. Oh. Alors, ça s'achète par sac. Mon Dieu, mais il y a quatre messages. Moi, j'ai déjà connu quelqu'un. Ou souvent, ça arrive qu'il n'y en a pas en tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Oui, ça m'arrive souvent qu'il n'y en ait pas, moi. Mais moi, j'en ai trois d'un coup. Mais voyons, c'est bon. T'en as trois? Ben, trois organes. Ah oui, t'as eu trois. Quatre. Mais voyons. Mais c'est peut-être le même. Ben voyons donc, ça a l'air arrangé. Ben oui, c'est le même quatre fois. C'est le même quatre fois. C'est un message qu'on veut m'envoyer. Des fois, les petits papiers, ils collent, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'êtes jamais amer, trompeur ou médiocre. Hey, quatre fois de suite, ça me fait plaisir. Hey, c'est bien le fun, ça. Vous n'êtes jamais amer, trompeur ou médiocre. Vous n'êtes jamais amer, trompeur ou médiocre. Vous n'êtes jamais amer, trompeur ou médiocre. Vous n'êtes jamais amer. Quatre fois. Quatre fois. C'est le fun. Moi, c'est genre de... Il y en a des fois comme ça, on ne sait pas, hein? Ah oh, oui. Il y en a, là... C'est parce que c'est des traductions. Tout usage. Une poule demain vaut mieux qu'un œuf aujourd'hui. Ce que je comprends, moi... C'est que c'est mieux d'avoir la possibilité d'avoir... Mais je vois pas pourquoi on en fait un proverbe. Mais c'est parce qu'une poule, tu peux la manger aussi, la poule. C'est pas comme... Ah oui, tu le voyais comme ça. C'est pas comme si on disait... Ben non, mais moi, c'est parce que j'essaie de décortiquer. Là. C'est comme si on disait, ben, c'est mieux d'avoir quelque chose, même si ça te nourrit pas aujourd'hui, au moins, tu vas l'avoir, puis à force de l'astiquer, ça va donner un œuf, puis tu finis par en avoir une douzaine. Je sais pas comment l'interpréter, c'est de la merde. Moi, ça va pas très bien, manifestement. Ben voyons. Les jours ensoleillés viendront bientôt. Hey, c'est niaiseux. Aller dans le fond du sac, là. Peut-être pogner une meilleure batch. Voyons, Lumière. Je pense qu'ils ont mis tous les dépressifs sur le dessus, puis... Oh, mon Dieu. Ou les deux de pique, ou les pois chiches dans le cerveau, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est là? Ben, hey, ils sont-tu stones quand ils font ça? Mais je pense que oui. Attends, je veux qu'on en prenne d'autres. J'aime ben pas. Oui, c'est comme ça. Bon, regarde, je vais pas obligé de les manger. Toi. Parce que toi, je pense que t'attires quelque chose. Ben, j'attire la moi, game, moi, j'en pige un pour toi, ah, puis il oui. va être bon. OK. Regarde, ben. Il y en a juste un. Es-tu bon? Qu'est-ce que ça dit? Je suis pas capable de le lire. Ça, c'est pour moi. Oui. Vous allez avoir de nouveaux vêtements. Hey, c'est-tu niaiseux? Je peux pas croire. Ça peut pas être plus plate. C'est excuse-moi. Tellement plate. Ben, non, mais regarde. Non, mais disons que c'est pour moi, celui-là. Non, mais t'es super fit. Non. Mais je vais... OK, je t'en lie à toi. Tu vas avoir de nouveaux vêtements? Toi, évidemment, ça va être comme vous allez être rentré en Angleterre. Attends une minute. Oh, je pense que c'est pas bon. Je les comprends pas. Ah, ben, c'est pas bon. C'est extraordinaire. Moi, j'en ai pas ni un. C'est pas ni bon ni mauvais. Mais... Lorsqu'une porte se ferme, ouvrez-en une autre. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la guitare, Joseph Marchand. À la basse, Morgan Moore. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Guy Charbonneau. Au montage, Patrick Knoop. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault. Si vous souhaitez réécouter les plus beaux jours de la vie de Anne et Marc, rendez-vous à l'adresse ici.radio-canada.ca/le plus beau jour.